Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 25 septembre 2017. Alors, au programme ce soir, je vous propose un portrait de la saison automnale d'Avatar, le centre d'artistes à Québec qui se dédie à la création et à la diffusion des arts audio et électroniques. Alors, j'accueille sa directrice artistique, Caroline Gagné. Alors, en guise de transition vers cette rencontre avec Caroline d'Avatar, on écoute François Martigues. C'est une pièce intitulée Untitled No. 2 et c'est tiré de l'album U4 Sounds. Caroline, la saison 2017-2018 chez Avatar est déjà entamée depuis, je vais dire, quelques semaines tout de même. Et j'aimerais que tu nous parles de cette saison qui s'amène, des artistes que vous allez présenter et des projets spéciaux s'il y en a. Donc, ben, je t'écoute. Merci, Gaétan, parce que effectivement, c'est très foisonnant. En fait, on a devant nous le dépliant là, qui annonce notre programmation. Puis ça va jusqu'à février. Après ça, ça va être un autre... il va y avoir une suite. En fait, la façon qu'on procède maintenant dans nos pour construire notre programmation, c'est que, oui, on a des artistes invités qui sont des artistes vraiment qui ont déjà une contribution souvent majeure, sinon vraiment notable en art sonore et ou électronique. Mais aussi, depuis 2-3 ans, on a un volet de notre calendrier qui est dédié à des projets d'artistes, toujours des artistes professionnels, mais qui n'ont pas nécessairement le son comme médium premier, mais qui ont des idées avec le son. On sait aujourd'hui, c'est un artiste peut toucher à toutes sortes de médiums. Puis dans ce temps-là, ce qu'on offre, c'est de les accueillir une semaine avec un soutien technique. Souvent, c'est ce qui manque, hein, l'équipement, le soutien, comment on fait, comment je procède. Puis on considère que c'est une façon de nourrir la discipline. Puis c'est sûr qu'on espère bien que ces artistes-là, après, vont réutiliser le son dans leur projet. Dis-moi, Caroline, quand t'évoques ces artistes qui sont pas des spécialistes ou dédiés totalement à l'art sonore, on pourrait parler de qui, de quel artiste cet automne ou d'ici février qui se pointe chez Avatar? À l'automne, on a l'artiste Fiona Anis qui a déjà présenté son travail à Vue, qui est venue quelques fois à Québec. Là, elle va présenter une installation à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Puis, elle a observé déjà que dans cette galerie-là, le son se comporte d'une façon particulière parce qu'il y a beaucoup de caissons, de ventilation, tout ça. Puis, elle a eu l'idée d'utiliser ça, comme c'est tout au plafond, pour diffuser des sons qu'elle a tiré d'enregistrement des berceuses partout dans le monde. Donc, elle va faire un assemblage sonore. C'est plus que de mettre une ambiance sonore avec ces berceuses-là, mais vraiment, il y aura un travail de composition à partir de ces contenus-là. Déjà, je pourrais donner un bel exemple. Anne-Marie Proux, tu dois la connaître, artiste, photographe, a fait de l'installation. Elle avait un projet qui a été présenté à YYZ à Toronto l'année dernière, qui est un projet pour lequel elle avait fait des enregistrements quand elle est allée en Basse-Côte-Nord. Puis elle voulait intégrer ça à son projet d'exposition là-bas. Puis on l'a justement accompagné, on lui avait prêté de l'équipement, on l'a accompagné, puis elle a pu déjà s'initier à l'enregistrer, c'est sur à propos du dictionnaire Innu. Fait qu'elle a fait des enregistrements de cette parole, tout ça, fait que ça a donné une pièce d'art sonore qui fait partie de son projet d'exposition. Caroline, si tu veux, on va écouter ensemble un extrait et on revient ensemble pour poursuivre notre entretien. Est-ce qu'on écoute maintenant, Gigi, il y a tant de échon tabou d'anan, de mouman, échon houtien d'anan, il y a, nous avons encore, nous voulons encore continuer à vivre, nous continuons à vivre, nous avons encore la foi à nos grands-pères, nos ancêtres, nous avons confiance à la vie. Nous avons encore confiance à la vie, c'est ce que j'ai dit. Oh. Ça dit grave, par exemple. C'est des mots qui veulent dire plusieurs choses. Oh, et qu'on y voit tu peux entendre, j'ai dit nuya. Et qu'on t'a voué toi, nous m'homme-là. Έχουν χωτζέντε έναν ενιού. Thank you. Malgré les difficultés, ils ont tout le temps, comme les anciens ont fait, ils ont tout le temps essayé de continuer à vivre. C'est les anciens. Ils ont toujours cru à, même à leurs grands-parents, les ancêtres, leurs ancêtres. Ils ont toujours cru à la vie. C'est, ils ont continué pareil. C'est ce que moi je fais aujourd'hui. C'est comme ça que tu continues ce qui a été fait. Ah. En croyant à la vie. Ouais. Alors voilà, on entendait les froissements de papier et ce commentaire d'Anne-Marie Proulx qui dit « ce sont des mots qui veulent dire beaucoup de choses ». Alors c'est vraiment magnifique, c'est inspirant, cet extrait de l'œuvre sonore intitulée « Mamit Emum », traduit par les mots « Voix de l'Est ». C'est une œuvre d'Anne-Marie Proulx. C'est une conversation avec Mathias Marx, et c'est un conteur, on pourrait aussi dire un ethnographe du peuple Innu qui cherche à conserver la mémoire de sa communauté. Il est installé sur la Basse-Côte-Nord. Alors, on aura la chance d'accueillir Anne-Marie Proulx au cours de la saison prochaine pour nous parler plus longuement de son projet qui s'intitule plus globalement Emi Nanu. J'espère que ma prononciation est bonne. Alors, on poursuit notre rencontre avec Caroline Gagné d'Avatar. Il y a aussi Hélène Matt, qui est plus connue pour son travail en spoken word, travail littéraire. Elle a un projet qu'elle va venir faire aussi durant l'automne, Amélie Laurence Fortin, qui part, vous n'avez peut-être entendu parler, qui est une artiste de Québec qui part en Antarctique sur un bateau, fait qu'il y a un aspect sonore aussi qu'elle veut développer. Donc ça, c'est tous des exemples d'une ouverture justement à ce que des artistes puissent explorer avec le médium son. Fou, fou. Avale ta monde, s'échappe le temps comme le sable au vent. Cours, cours après ta chute, le cadran au pied, le pied pesant. Des heures durant, poussière d'argent. Tu comptes la monnaie minute, la poudre aux yeux, les yeux brûlant l'instant. Pour peu longtemps, tu t'essouffles sur la flûte pour faire danser le serpent sous pourtant. Sur l'or, après ça, on a, ben, il y a déjà, hein, comme tu l'as mentionné, on est de retour de vacances depuis le début août. Fait qu'on a déjà l'artiste Eve Egoyan, qui est une artiste pianiste de Toronto, qui développe des projets de composition, souvent en s'associant à d'autres artistes comme John Oswald, David Rokeby. Et là, elle avait une idée, comme une sorte de fantasme. C'était vraiment beau comment elle nous a approchés, parce que pour ça, elle avait besoin du disque clavier, d'un disque clavier, puis de la programmation informatique aussi, pour tenter de changer les propriétés, en fait, du son du piano, mais pas d'une façon comme un son de synthèse. Fait qu'on, c'est assez particulier. Donc, il y avait, oui, des haut-parleurs qui étaient reliés au piano, mais ça a été une très belle résidence. Patrice Coulombe, que vous connaissez aussi probablement en tant qu'artiste, mais il est aussi compositeur en musique contemporaine et il fait de la programmation informatique. Il a été là aussi pendant la durée de sa résidence. Si tu veux, Caroline, on va entendre une pièce de Eve Egoyan tirée de son répertoire, parce que c'est tout de même une artiste là, qui a un cheminement assez impressionnant depuis plusieurs années. Thank you. Alors voilà, on a entendu en première partie la performeuse Hélène Matt qui sera qui est au programme de résidence d'Avatar dans les prochains mois. Et on vient tout juste d'en entendre une pièce d'Eve Egoyan qui s'intitule Surface Tension, qu'elle performe en collaboration avec l'artiste multidisciplinaire David Rockaby. C'est un extrait tiré d'expérimentation que mènent Egoyan et Rockaby autour du piano programmable qu'on appelle le piano disque clavier. Et il s'agit dans ce cas-ci d'une interaction qui est créée entre le piano d'Egoyan et les images en mouvement de Rockaby. En faisant une recherche sur le site d'Egoyan, vous allez pouvoir trouver un peu le résultat de cette expérimentation ou de cette interaction. Alors cela dit, on poursuit avec la présentation de Caroline Gagné, la directrice artistique chez Avatar. Caroline, il y a au programme de jeunes artistes, mais il y a aussi des artistes assez aguerris. Je pense entre autres à Thierry Guibert, Martin Tétrault, François Martigues. J'aimerais bien que tu me parles de ce monde-là. Thierry Guibert est un artiste français qui travaille sur le motif du disque. Il appelle ça des platines, hein? Nous, on dit plus des disques vinyles. L'année dernière, on l'a invité en résidence à Avatar au mois de janvier pour travailler avec Martin Tétrault, qui lui aussi travaille sur le disque comme motif, mais d'une manière plutôt bricolée. Fait que à Avatar, on trouvait que c'était intéressant de leur proposer un terrain d'exploration ensemble, rencontrer leur langage respectif. Puis ça a été tellement prolifique comme résidence que on avait l'idée de présenter la performance qu'ils ont créée, qui finalement va avoir aussi des suites. Mais on a trouvé l'occasion du 40e anniversaire de la bande vidéo. Une belle occasion pour présenter cette performance-là dans notre studio. Donc, vendredi dernier, ça a eu lieu. Les deux artistes étaient là. Ils ont eu quelques jours avant, ils se sont remis ensemble, parce que Thierry étant en France, il est pas toujours là. Mais en ce moment, il est en résidence à la Chambre Blanche, fait qu'on a profité de tout mettre de l'occasion. Thank you. Alors Caroline, il y a un artiste belge d'importance qui est au programme cet automne, François Martigues. J'aimerais que tu nous dises quelques mots sur son travail et son projet pour Québec. François est venu en résidence dans le contexte des pépinières européennes pour jeunes artistes il y a quelques années. Il a passé ici 3 mois à Avatar et il revient cet automne pour une résidence, une assez courte résidence, une semaine, où il va travailler la quadriphonie d'une performance qu'on va présenter dans le cadre d'une soirée de performance qui va avoir lieu à l'œil de poisson. Il va avoir, entre autres, Martin Bureau, je crois. Donc, c'est intéressant pour nous, comme on n'a pas de salle d'exposition ou de salle de spectacle, de se greffer comme ça, des fois, de mettre en commun nos programmations, nos artistes invités. Et donc, vous aurez l'occasion pour François de venir assister à sa performance. Ça va être le 13 octobre. Alors, on écoute François Martigues. Dans les artistes aussi qu'on connaît, il y a Sébastien Clich et Julie Faubert, qui eux aussi développent un travail en duo, qui sont déjà venus à Avatar les deux. Et en janvier, Julie Faubert, qui est une artiste qui enseigne à l'Université Laval, entre autres le cours d'art sonore cet automne, elle organise une rencontre laboratoire, pas un colloque vraiment, mais c'est vraiment un laboratoire. La Chambre Blanche participe, Avatar. On a invité des artistes. Nous, on va recevoir Brandon Labelle, qui est un artiste aussi majeur, je pense, dans l'art sonore depuis les années 80. Puis Sébastien Clich, Julie Faubert vont donc présenter leur performance dans ce contexte-là. Donc, en janvier, dans leur cas. Caroline, si tu veux, je vais enchaîner quelques pièces sonores des artistes que tu viens de nous présenter. T'escriuria un poema, però el soroll de les grues no em deixa... 1853. 1853. 1853. Fins a arribar... I'm thinking of Richard Serra's Boomerang piece from 1974. The artist places a microphone in front of a woman. The woman wears headphones and can hear her speaking voice, though delayed. Her voice comes back to her slightly behind her own speaking. The woman speaks, talks about this experience. She refers to the situation, tries to describe what she is hearing and how this echoing, this device, disrupts her speech, her conscious thought. Something is always coming back to infiltrate her speech. She cannot escape herself. Yes, I can hear my echo. And the words are coming back on top of me. The words are spilling out of my head. And then returning into my ear. It puts a distance between the words and their apprehension or their comprehension. The words coming back seem slow. They don't seem to have the same forcefulness as when I speak them. I think it's also slowing me down. I think that it makes my thinking slower. I have a double take on myself. I am once removed from myself. I am thinking and hearing and filling up a vocal void. I find that I have trouble making connections between thoughts. I think that the words forming in my mind are somewhat detached from my normal thinking process. I have the feeling that I am not where I am. I feel that this place is removed from reality. Sarah's boomerang starts to say everything about the echo. It puts on display the embedded dynamics of echoing sound. As the woman states, it's as if she leaves her own body, is stranger to herself, with her voice coming back to her as if from another reality. Everything staggers within the movements of the echo. The echo is the beginning of change. It takes the moment of a sound and repeats it, expanding beyond the original event and also returning it. The echo is sound becoming other to itself. It ultimately threatens to undo the stability of all forms, of origins and relations, of oneself. In other words, the echo disorients. Alors voilà, on vient d'entendre Brandon Labelle qui c'est un extrait d'un cycle de conférences intitulé Auditory Figure dans lesquelles Brandon Labelle réfléchit diverses expériences sonores, et dans ce cas-ci à partir d'un film de Richard Serra qui s'intitule Boomerang. Il réfléchit sur cette notion d'écho. Donc Brandon Labelle sera à Québec dans les prochains mois. En amont, on a pu entendre Chaosmos, une œuvre performative de Martin Tétrault et Thierry Guibert, une pièce de François Martigues et ensuite une pièce de Julie Faubert. Alors, voilà, on poursuit cette rencontre avec Caroline Gagné. Ben, on poursuit, Caroline, avec cette belle programmation du Centre Avatar. Mais donc, il y a aussi Pierre-Olivier Fréchette-Martin, que vous connaissez, directeur technique, n'est-ce pas, à Recto Verso, qui est un artiste qui a gradué de l'Université Laval au bac. Il a fait quelques projets déjà à Avatar, puis cet automne, il y avait un projet dans le cadre de Première Ovation, de la mesure Première Ovation de la Ville de Québec. Donc, il nous a contactés pour venir travailler dans notre studio, parce que dans son cas aussi, c'est question de vraiment une performance qui utilise le son. Donc, il vient à quelques reprises dans l'automne. On a dans le calendrier, à quelques moments, il va être là. Sinon, on a de plus en plus de collaborations Avatar, entre autres avec CKRL pour l'accroche-oreille, l'école d'art de l'Université Laval, la bande vidéo, la Chambre blanche, le lieu, les pépinières européennes dans le cadre avec Méduse pour accueillir dans ce cas-ci cet automne une artiste finlandaise, Katri Kokarinen, qui va être accueillie par Avatar et vue, parce qu'elle a un projet qu'elle va développer à la fois en photo et en son. Et je voudrais aussi mentionner Li Pingting, qui va être en résidence au lieu. Puis dans son projet, elle a des enregistrements à faire. Donc, on collabore avec le lieu aussi pour soutenir ce genre de production-là, étant donné qu'eux, ils n'ont pas les équipements qu'on a. Et un projet aussi important, qui est une collaboration avec Rhizome, qui est une résidence de 2 semaines avec Chantal Neveu, Mériole Lehmann et Nicolas Tardy. Nicolas, qui est un artiste français qui vit à Nantes. Chantal Neveu est de Montréal. Mériole, ben vous le connaissez, il a été ici à Avatar comme directeur général. Donc, les trois vont développer un projet dont le titre est « Dans l'architecture ». Fait que Chantal Neveu, Nicolas Tardy sont principalement des auteurs, donc ils travaillent le texte. Mériole, lui, de son côté, va travailler l'espace sonore relié à cette performance. Caroline Gagné, merci beaucoup de cet entretien. Ça me fait plaisir. Alors, voilà, pour compléter cette rencontre avec Caroline Gagné d'Avatar, je vous invite à écouter une pièce de Pierre-Olivier Fréchet-Martin. C'est tiré d'une performance intitulée « Mouvement de veille ». C'était présenté en février 2012 à Québec dans le cadre du mois multi. Et puis si on a un peu de temps, je vous fais écouter un extrait sonore de Meriel Lehmann, une pièce intitulée « Médée, Médée ».